Un baptême limousin. Mon Julien, comme tu m'as manqué. Comme si tu étais parti longtemps. Tu sais, Angèle, une heure sans ce petit bonhomme, c'est long comme un jour sans pain. Il s'est bien comporté, au moins? Oui, il a été adorable. J'ai réussi à le faire manger. Il a pris du plaisir. Le physiothérapeute l'a bien soulagé. L'infirmière n'a rien noté de spécial. Et de votre côté? On a trouvé une villa mitoyenne, idéalement située en vallée de Chevreuse, comme le souhaitait Maxime. Oui, c'est vrai, il a toujours eu un faible pour cette région. Mais c'est cher, non? Pas tant que ça, 5 000 francs par mois. C'est à 20 minutes de son bureau. Pas trop de frais d'essence et pas besoin de traverser Paris. Quelle chance! Il y a un jardin? Un joli jardin, pas trop grand ni trop petit. On pourrait installer un hamac. Il y a un pommier, et tu sais quoi? Ce sont des rainettes du Canada, les meilleures pour les gâteaux. Devant la maison, on a une haie de rosiers. Au bout du jardin, passe un chemin, et de l'autre côté, le bois de la guilleterie. C'est encore très sauvage. Mais sinon, dans la résidence, toutes les maisons se ressemblent. Une cité dortoir, alors? J'en ai peur, ouais. J'ai pas eu beaucoup de mouvement, le peu de temps qu'on y a passé. Ah, ça peut encore venir. On m'a dit que les voisins avaient des enfants relativement jeunes. Et il y a un lycée à Chevreuse, il devrait y avoir du passage. Ce sont toutes des maisons familiales, après tout. Formidable. De mon côté, j'ai organisé le repas du baptême et lancé les invitations. Toute la famille sera au rendez-vous. Les cousins de Maxime, Jacques et Joël ont accepté d'être les parrains et marraines. Tu t'es organisé avec le prêtre? Je l'ai rappelé hier. Il nous attend et je lui ai aussi réservé une chambre dans un hôtel à 2 pas d'ici, avenue Henri Barbusse. Parfait, vous allez chercher demain alors. On fera l'aller-retour dans la journée. Ça ira pour toi? J'aurais préféré que tu restes à m'aider. Ça va être lourd de m'occuper du bébé en plus du repas. Je sais bien, mais Jean a tellement insisté pour que je vienne aussi. Je n'ai pas eu le courage de refuser. C'est une dernière faveur que je te demande. Tu veux bien, dis? Comme si tu me laissais le choix. Vas-y donc, ton pitchoun va assez me manquer quand vous serez partis. Mais non, tu viendras nous voir souvent. Tiens, pour mon anniversaire déjà, le 15 août. C'est vrai? Chic alors, je vais pouvoir me réjouir. L'après-midi même, Faustine et Maxime font un tour dans les brocantes des environs et dénichent un vaisselier en sapin pour 100 francs. Il est superbe, ils le réservent. Le brocanteur monte une fois par semaine à Paris. Il le livrera à ce moment-là. Vendredi, à l'aube, comme prévu, le couple prend la route de Verdelay, fief de leur ami Jean. Maxime déteste les autoroutes. Faustine aussi. En conséquence, un trajet de 2h30 va en prendre 4 pour leur plus grand plaisir. Ils traversent des vallées protégées par des châteaux fortifiés, des villages aux noms exotiques autant qu'évocateurs, Montpérou, Castillon-Bataille, Sauveterre-de-Guyenne. Le Bordelais est une région de vignobles, tous plus illustres les uns que les autres. On ne compte plus les appellations contrôlées et les châteaux machins. Un jour, Faustine les goûtera tous, elle se le promet. Surtout le château mémoire, si elle s'en souvient. Ce n'est donc que vers midi qu'elles arrivent à Verdelay. Le père Jean Lorge les accueille avec sa bonhomie coutumière, comme s'il s'était quitté la veille, et non pas 2 ans auparavant dans la campagne américaine. Vu l'heure, il les invite à déjeuner. Avant de passer à table, il leur fait visiter les lieux et les présente à tous ses compagnons d'église. Faustine observe, amusée, cet environnement de vieux garçons. Les fauteuils de la salle de repos sont disséminés un peu partout. Près de la fenêtre pour celui qui aime lire son journal à la lumière du jour, face à la télévision pour l'amateur de foot, face à la cheminée pour le frileux, et ainsi de suite. Ils sont à distance suffisante pour que les ronflements des uns ne gênent pas trop les autres. Ça sent le vécu. La salle à manger est déjà occupée quand ils y entrent. Manifestement, pour les estomacs des prêtres maristes, l'heure c'est l'heure. On ne plaisante pas avec la bouffe. La gouvernante, tiens, une femme, apporte une part de pizza et de la salade. Faustine se jette dessus. Elle est presque rassasiée quand la dame revient avec un nouveau plat empli d'une montagne d'escalopes panées. Suivent des patates grillées, des légumes et pour couronner le tout en dessert, une flonnière de poires. Quel festin! Et vous mangez comme ça tous les jours? S'enquiert la jeune femme. Oui, tu ne voudrais pas qu'on dépérisse tout de même, répond Jean en riant. Un prêtre rubicon fit soudain irruption en pleine séance de mastication. Tiens, Augustin, qu'est-ce qui t'a retenu? Figurez-vous que le boulanger de Saint-Macaire s'est suicidé. Ah ben mince alors! Comment il a fait son compte? Il s'est pendu dans son fournil. Qu'est-ce qu'on fait? Il laisse une femme et 6 gamins. On l'enterre, Augustin, on l'enterre, comme un bon chrétien qu'il était. Personne n'a besoin de savoir de quoi il est mort. Ils ont un caveau de famille, non? Oui. Alors j'organise ça pour demain. Un volontaire pour célébrer la messe? Pas moi, je suis de baptême à Saint-Junien. Je rentre dimanche. Vénard, alors, on ne vous retient pas. Bonne route. Merci à tous et bon week-end quand même. Le trio sort de table au bord de l'explosion. Jean les conduit à sa chambre, une minuscule cellule dans le cloître en bordure du jardin potager. Un lit, une table, une chaise et des étagères croulant sous les livres. Le crucifix figure en bonne place à la tête du lit. Son léger bagage est prêt. Maxime s'en empare. Vous voyez, je suis comme un coq en pâte. Ici, il fait frais tout l'été. En hiver, je vais en vacances chez les maristes de Toulon. La belle vie, quoi. Venez, nous allons faire quelques pas pour digérer. Je vais vous montrer la tombe de Toulouse-Lautrec. Elle est ici? Mais oui, madame, nous avons cet honneur. Ensuite, je vous ferai visiter de loin, parce qu'on n'a pas le droit d'y entrer, le vignoble du château Yquiem. Ce n'est pas trop loin? Non, Maxime, c'est à 15 minutes. Tu verras, ça vaut le détour. Vous n'aurez peut-être pas l'occasion de revenir de si tôt. D'accord, alors allons-y. Ne traînons pas tout de même. Ma mère nous attendait en début d'après-midi. Aïe, en effet, dépêchons-nous. La tombe d'Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901, est à la place d'honneur dans le petit cimetière de Verdelais, non loin de la basilique. Le peintre dort à côté de sa chère maman, enfin paisible pour l'éternité. Faustine est émue devant le caveau. Elle a lu plusieurs biographies du peintre, vu des films aussi, et son histoire tragique l'a touchée. Nulle part il n'est fait mention du père d'Henri, Alphonse. Il n'a pas souhaité être enterré auprès de son épouse. C'est bien triste. Les trois amis ne s'attardent pas. S'ils veulent faire le détour par le vignoble le plus coté de France, il est temps de partir. Pendant le trajet, Jean leur explique ce qui fait la particularité du seul sauterne classé premier cru supérieur. Il leur parle du Botrytis cinerea, ce champignon phytopathogène redouté par les vignerons, mais qui devient un véritable allié. C'est justement le cas pour le vin d'Yquiem qui bénéficie de ce qu'on appelle la pourriture noble. Jean, poursuivant un discours qu'il maîtrise à la perfection, continue à jouer les guides. Selon ses sources, le domaine du château d'Yquiem regroupe toutes les conditions climatiques nécessaires au développement du Botrytis cinerea sous sa forme la plus appréciable. Quelle belle leçon de choses tu nous fais là! Merci Jean! Ah, mais je n'ai pas fini! La leçon, comme tu dis, ne serait pas complète si je n'évoquais pas la vendange. Une méthode vieille comme tes robes, Faustine. Elle optimise les propriétés aromatiques du champignon dont je parlais tout à l'heure. Les grappes sont triées une à une à la main, ne sont sélectionnés que les grains au bon stade de maturation qui possèdent cette pourriture noble. Il faut dire enfin que le microclimat du coin est pour beaucoup dans l'affaire. On peut goûter? Penses-tu? Tu sais combien ça coûte une bouteille d'Yquiem? Cher, je suppose, vu le prestige. Plus que ça. Un millésime de 1847 vaut aujourd'hui plus de 260 000 francs, 40 000 euros. Un de 1983, il y a 2 ans, vaut 2748 francs, 419 euros. Waouh ! Tout ça pour du vin sucré. Pas sucré, mécréante, liquoreux. Bon, liquoreux, si tu veux. Mais je t'en fiche, Jean. Moi, je préférerais toujours un vin rouge bien corsé. Tu ne sais pas ce qui est bon, jeune fille. Tant pis pour toi. Bon, on y va, ce baptême, oui ou non? C'est parti! Maxime roule vite, craignant l'ire de sa chère maman. Tout de même, il fait presque nuit quand ils approchent de Saint-Julien. Angèle les salue gentiment, mais au fond, elle bouillonne. Elle ne peut s'empêcher de faire remarquer. C'est à cette heure-là que vous arrivez. Vous ne pouviez pas faire plus vite? Maxime, tu as encore pris le chemin des écoliers. Je t'avais demandé pourtant de faire un effort. Je suis épuisée, moi. Julien a été insupportable. Je viens de le coucher, je n'ai pas fini mes préparatifs pour demain. Oh, j'en suis bien désolée, madame, c'est de ma faute. J'ai tenu à les inviter à déjeuner, puis à leur montrer la tombe de Toulouse-Lautrec et le vignoble de Château-d'Yquem. Oui, maman, tu aurais vu ça. C'était vraiment formidable. Une visite guidée très instructive en moins d'une heure. Et on a tellement bien mangé que ce soir, une soupe ou une salade suffiront. Bon, bon, ça va. Je vous pardonne pour cette fois. Allez vous laver les mains, on va passer à table. Malgré la petite algarade du début, le souper, frugal, Dieu merci, se passe dans la joie et la bonne humeur. Avant de partir, Jean fait la connaissance de Julien, que Faustine est allée chercher pour son massage du soir. L'enfant, encore un peu groggy, se fond néanmoins d'un sourire. Il est absolument trognon dans sa chemise de nuit. Comme il est sociable, ce petit monsieur. Bonsoir, Julien, comment vas-tu? Sais-tu que je vais te baptiser demain matin? Heureux! Ils sont une bonne demi-douzaine rassemblés pour l'événement dans la belle église de Saint-Julien. Jean a revêtu une chasuble blanche, Jacques et Joël, les parents et marraines, arborent un air grave et responsable. Faustine, tout sourire, tente d'alléger l'atmosphère, Maxime aussi. Malgré leurs efforts, leurs cousins ne peuvent se départir d'une certaine tristesse à la vue de cet enfant dont ils connaissent désormais la triste destinée. Faustine, à l'abri dans sa carapace de survie, se sent insensible et froide. Elle aurait presque envie de consoler, de rassurer ses cousins, mais son instinct lui dit que si elle se laisse aller à ça, elle s'écroulera, indubitablement. Julien n'a pas pleuré quand on l'a aspergé d'eau bénite. Désormais, il est baptisé. Et Faustine se sent apaisée. Il n'est plus condamné à errer indéfiniment dans les limbes, comme ces nourrissons qui n'ont pas eu le temps de recevoir la sainte onction. Faustine ignore si c'est vrai, mais comme beaucoup de non-pratiquants, ceux qui ne se tournent vers Dieu que lorsqu'ils en ont besoin, elle a préféré ne pas prendre de risques. Si elle-même a vécu l'endoiement comme une formalité, elle est certaine par contre que tout l'amour donné au bébé par sa famille réunie contribue à son mieux-être. Après le délicieux repas, Maxime raccompagne Jean à verre de lait pendant que Faustine prépare leur bagage. Demain soir, ils dormiront dans leur nouvelle maison.